Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert! Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute de C'est fou, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante et pendant 3 heures, on déballe ces CD, on découvre ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui pourrait finir sur les palmarès de C'est fou. Donc c'est toujours très intéressant de savoir ce qui se passe en termes de nouvelles musiques au Québec, au Canada et n'importe où dans le monde. Petit avant-goût de ce qui va se passer dans la première heure de l'émission, on va découvrir les 2 albums de francophones et les 2 qu'on a reçus cette semaine, c'est du rap. Donc ça va être Vaille avec Ma Raison et puis Gage avec Mon Frère. Il va aussi y avoir The Great Divine par Lara Yule Singh. Mais on commence avec une formation alternative qui s'appelle The Subways. Leur album, c'est All or Nothing. Et tout de suite, voici Girls and Boys dans le poste d'écoute. Assez fou, 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Poste d'écoute. Subway, c'est la pièce All Right de leur nouvel album All or Nothing. C'était précédé de California et de Girls and Boys. The Subway, c'est un groupe de garage rock indie du Royaume-Uni. myspace.com/TheSubways ou encore TheSubways.net. Les membres sont Billy Lunn, Charlotte Cooper et Josh Morgan. Ils sont en grande tournée en ce moment, un petit peu partout dans le monde, aux États-Unis et dans d'autres endroits. Allez voir les dates de spectacle sur leur MySpace si ça vous intéresse. Encore une fois, leur album à la formation de Subways s'appelle All or Nothing. Maintenant, on passe aux francophones, les deux seuls albums de musique francophone qu'on a reçus cette semaine. Et un d'entre eux n'est même pas un album, mais plutôt un simple. C'est avec ça qu'on va commencer. C'est celui de Gage. Sa pièce s'appelle Mon frère. Ce sera suivi de Vaille avec son nouvel album Ma raison et les pièces L'odeur du dance floor. Et Sur ma vie, tout de suite dans le poste d'écoute au 89.fm. Tu seras mon frère, pour toujours mon frère. Mais dis-moi, dis-moi ce qui s'est passé. Je n'ai plus le courage de tout défendre devant le temps passé. Et j'essaie toujours de comprendre comment t'as oublié tout ce qu'on a fait ensemble. Pourtant on est de loin. Gage avec la pièce Mon frère. Dans le poste d'écoute, on continue avec Vaille. Voici l'odeur du dance floor au 89F. S'il te plaît, tu sais, j'ai entendu tes trucs et tout. Tu peux pas me rappeler un truc là? Attends, ici là comme ça? Ouais, vite fait, s'il te plaît. Un petit truc là, je sais pas, n'importe quoi, je veux juste t'entendre, c'est, ça fait plaisir. Vas-y, vas-y, allez, monte-moi. Alors, tu me fais quoi là? Bah écoute, je vais te faire un petit truc, écoute ça. Yo, c'est pas un coup beau. Que le rap a saisi ma vie, j'ai pas gagné mon titre de poker, c'est pas si easy. Pas fait l'école des arts, ni un pourri de l'industrie du disque. Laisse-moi râler, et moi je n'ai pas les top d'une star. Je n'ai pas la coupe ni la démarche. Laisse-moi boiter moi et mes Air Max. Mon coup passe à ma liste, tu t'ajoutes. Nouvelle mode, vente fric, même si ce pas dans le jus. Ton son joue sex shop tellement c'est sexy. Si on trouve en shop tellement c'est vexant. Le son d'un MC que je maltraite, ça c'est mon train de vie. Je dors tard et je t'emmerde avant que tu sois levé. Avant que tu t'apprêtes à parler, à faire ton jaloux. Moi, je prépare mes pieds jaloux. Rancunier que sur trail, je te guetterai même si les jours je dois compter. Mon maquis dompté. Comme la vérité, je fous la merde. et les MC, ça leur fout la lame, taram. V.A.I, ça crève tes noms, lam, taram. Où fait la pomme, tout le monde se la rage, lam, taram. Tous mes chiens flairent, lam, taram. Odeur du dance floor, lam, taram. Et quand tous mes chiens flairent, lam, taram. Odeur du dance floor, lam, taram. Moi j'ai le mic comme Tony Allemand. Le regard qui inspecte le putain de flow qui dérange. Respecte le rap et mon taf depuis que j'ai paumé ma route. Le pays en bifant traque la rue ma monnaie. Les billets tous sauf vert, c'est l'enfer imagine. C'est l'époque de la guerre des machines. Couleur du bled dans mes gènes. Les M6 font naver par mes jeunes. Bergame c'est la jungle. Rien à voir avec cette FM. C'est infâme mon pote, c'est pas d'être à la mode. Mon album sort, j'suis pas une vedette. La rue mon sponsor, elle sait ce que j'ai envie d'être. Ras-le-bol, faire des concerts devant les rockers. Venez on sort de l'ombre, venez on pète les records. Pour que les miens soient tous blindés. Calibre dans la poche et roulez notre bise indé. Comme la vérité je fous la merde. Dame, ta dame. Et les MC, ça leur fout la rage. Dame, ta dame. V.A.I, ça crève tes noms. Dame, ta dame. Où fait la pomme, tout le monde se la rage. Dame, ta dame. Tous mes chiens flairent, dame, ta dame. Odeur du dance floor, dame, ta dame. Et quand tous mes chiens flairent, dame, ta dame. Odeur du dance floor, dame, ta dame. Même si j't'ai pris, j't'ai plié en quatre. Ma fille chez toi, c'est un ninja. Habillé en black, vibe ninja. Quelle rue sort le mytho? Info, c'est exact. Sors du vent de ma mère, y'a pas plus vrai que ça. Ça dort au gaz, les MC sont à la pêche. Si mon crew percute, c'est que mon son à la pêche. Ça se coupe comme des latinos qui se taillent au couteau. Les MC toutes des carbans en spanish, j'en dirais puto. Mon son pivote, mon nom circule. Dans le rap circule VI, un sacré pilote. À moitié classe, à moitié barbare. Tu ris, vaille à moitié berbère. Comme la vérité, je fous la merde. Dame, ta dame. Et les MC, ça leur fout la rage. Dame, ta dame. VI, ça crève tes noms. Dame, ta dame. Où fait la pomme, tout le monde se la rage. Dame, ta dame. Tous mes chiens flairent. Dame, ta dame. Odeur du dance floor. Dame, ta dame. Et quand tous mes chiens flairent. Dame, ta dame. Odeur du dance floor. Dame, ta dame. Comme en vérité je fous la merde. Dame, ta dame. Et les MC ça leur fout la rage. Dame, ta dame. V.A.I, ça crève tes noms. Dame, ta dame. Où fait la pomme, tout le monde se la rage. Dame, ta dame. Tous mes chiens flairent. Dame, ta dame. Odeur du dance floor. Dame, ta dame. Et quand tous mes chiens flairent. Dame, ta dame. Odeur du dance floor. Dame, ta dame. Le poste d'écoute. Joue ma cassette. Yep. Si joue ma cassette. Joue ma cassette. Yep. Joue ma cassette, joue ma cassette. Big Papa aka Vi. Comme un haga fiable jusqu'à la dernière balle. Comme un beat qui drague. Tu blagues comme sortir un couteau de poing. 45 qui drague. Chic chic glace, on est vite vite basse. Car ma clic clic fout la pression. Clic clic bam. Lève ton version, boîte, tu restes au bar. Moi je suis un dealer de rime, un peu comme Escobar. Mon big big band joue des tueries et chaque cookie. Nick nick man, Vi mon nick nick. C'est un album bomba, une mix mixtape. Et tu bandes bandes dessus comme un sex sex symbol. Prise prise de tête comme un ex ex copine. Tu veux test test en vie, j'suis le best best homie. Hip hip hop, c'est mon sweet sweet home. Assis sur son trône. Jamais ma clic clic penche sur ma vie, vie je le jure. J'ai pas besoin de big big fan sur ma vie, vie je le jure. Mon cœur fait boum boum, j'rappe sur ma vie, vie, je le jure. Faut que ma foule foule feu sur ma vie, vie, je le jure. Faire du fric fric, briller comme une big big star. Laisse un record difficile à battre si je pars. Pour mes blancs, black, jaune, arabique, big gen. Pour mes or, or, la loi qui l'applique, plique jamais. Crie plus que jamais, haut et fort nos origines. Comme ils crient, crient, légaliser la marijuana. Le rap un territoire, putain ça sent ma pisse. Le hip hop je nique sa mère et c'est devenu mon fils. Vai, vai, un scoop scoop aux nouvelles. Quand ils me voient les MC scoop scoop leven. Y'a que sur instrumental que j'vite vite ma peine. Comme Fred Astaire dit I'm in légendaire comme la frappe des Yankees. Ou la gauche gauche d'Ali dans les années 60s. John Lennon des Beatles ou Elvis. Immortel. âme et ma clic clic bon sur ma vie, vie, je le jure. J'ai pas besoin de big big fan sur ma vie, vie, je le jure. Quand ton cœur fait boum boum, j'rappe sur ma vie, vie, je le jure. Il faut que ma foule foule feu sur ma vie, vie, je le jure. Comme un XX file, reste un mystère. Si tu me vois en XX file, appelle-moi mystère. Tu sais, même ma ex-ex mafie, je reste branché. Même si j'arrête le crime du mic, je reste recherché. Car j'ai le pro profil, exécuteur sans faille, sur un micro sans fil. Et même les pro profils, tu veux clasher mon équipe, il faut que tu fasses la file. Mais si tu steps dans l'arène, tu sais que j'ai jamais ma clic clic penche sur ma vie, vie, je le jure. J'ai pas besoin de big big fan sur ma vie, vie, je le jure. Le temps que mon cœur fait boum boum, j'rappe sur ma vie, vie, je le jure. Le faut que ma foule foule feu sur ma vie, vie, je le jure. Vaille avec Sur ma vie, précédé de L'odeur du dance floor. Ça vient de son nouvel album Ma raison, du rap francophone, ici dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés tous ensemble pour la première fois. Donc Vaille, un artiste du Québec. Vaillemedia.com, vaille-media.com ou encore myspace.com/vaillemedia sans trésunion. Il va être le 23 août prochain à 23h au Festival urbain de Trois-Rivières, donc il va être dans notre coin. Il arrive il y a quelques jours de son spectacle au cabaret Juste pour rire de Montréal. L'album est dans les bacs en ce moment. Il y a aussi un Skyrock au vailleofficiel.skyrock.com et le vidéoclip Sur ma vie roule sur le top 5 de Musique Plus. Vaille, de son vrai nom Adil Taksait, est né à Paris le 24 avril 1979, élevé au Maroc, le pays d'origine de ses parents, et s'établit en 1993 à Montréal. Musicien accompli et passionné par la culture hip-hop, il fonde en 1994 son premier groupe de rap, Les Messagers du Son. Le talent et l'énergie du clan se manifestent brillamment sur deux albums qui recueillent de 1997 à 1999 un succès indéniable au palmarès québécois. Donc le nouvel album de Vaille, Ma raison, est à surveiller en ce moment, selon lui-même. Juste avant, on a entendu Gage avec le simple Mon frère, extrait du nouvel album Changer le monde qui sort cet automne. Si vous voulez plus d'informations, c'est gage.mu ou myspace.com/gage-musique. Il est en tournée en France en ce moment. Il n'y a pas de date au Québec, mais les informations sont sur son MySpace. Maintenant, on retourne du côté anglophone pour aller entendre Lara Yule Singh. Son album s'appelle The Great Divine. Et tout de suite, voici Think I'll Stay Here dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales tous ensemble pour la première fois au 89.fm. In the morning it was clear that though her eyes did tear to feel that she would not run away, she would stay on that morning when she woke up, realized it was enough. She would not run away, she would stay here, here, in the razor sharp, in the midnight park. In the afternoon it was a parent to the ones who passed her on the street where they would greet her, hello neighbor, hello neighbor. In the evening when she sat back, put her feet up with a full glass, which she raised in celebration, think I'll stay here, good night neighbor, good night neighbor. The fuel down. Restez avec nous, au retour, on écoute plus de Larry Wilson et on découvre Citizen Folk dans le poste d'écoute au 89 FM. Avec Piccadilly Square, précédé de Highway to Drift Pile et de I Think I'll Stay Here. Ça vient de son nouvel album, The Great Divine, Lara Yule Singh, S-I-N-G-H. C'est son site web, .com, évidemment, ou encore myspace.com/LaraYuleSing. C'est du expérimental folk. Elle vient de Edmonton, en Alberta. Les membres du groupe sont Larry Olsing à la voix et la guitare, le clavier, le piano, le mélodica, l'harmonium et plusieurs percussions. Il y a aussi Isabelle Stahl en tant que choriste et aux percussions, et Kevin Parkinson aux percussions et à la batterie. Influence Tom Waits, PJ Harvey, Nina Simone, Jeff Buckley, Leonard Cohen et plusieurs autres. C'est son, je crois, deuxième album, si je m'en fais bien de ce que le mot « sophomore » veut dire en anglais. Il me semble que c'est deuxième. Larry Olsing et l'album s'appelle The Great Divine. On reste dans l'anglophone et on reste dans le canadien pour aller entendre la formation Citizen Folk. Leur album s'appelle My Friends, trois petits points. Pochette, je dirais cheap, dans le sens de la police qui a été utilisée. Mais sinon, c'est quand même assez joli. Là. Le devant est très, très beige avec un beau petit dessin très enfantin. C'est joli, c'est joli. Et j'aime leur logo de Citizen Folk aussi. On commence avec la pièce I Didn't Realize, ce qui sera suivi de Back to Rome et de My Friend. Tout de suite dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales tous ensemble pour la première fois au 89.1 FM. forgiven, but I know that I'm not. I didn't realize someone can be so self-assured. I didn't realize someone can lose so much control. I didn't realize sometimes some things are better. I didn't realize somehow I want this more and more. I didn't realize. Le poste d'écoute. Voodoo smile, she sucked me in. Got away, boy, but now I'm back again. And that's when I found out what she already knows, that every road leads back to Rome. She likes to drag me face first through the mud, and then she's got me begging for her love. But I know, you know, they know I'm going back to Rome. A poison kiss, she's cold as ice. When she needs ya, boy, she's oh so nice. Don't try to fight it, cause there's nowhere to go. Every road. She throws me out the door. She knows, you know, they know I'm going back to Rome. I'm going back to Rome. Every road I'm on leads back to Rome. I'm going back to Rome. I'm going back to Rome. Every road. The old dance floor leaves me in the middle there wanting more. Dancing with the king of rock and roll. But I know, you know, they know. Who knew she left me in such a mess? I should have gone straight a long time ago. Instead of me turning left, going back to Rome. I'm going back to Rome. Every road I'm on leads back to Rome. I'm going back to Rome. I'm going back to Rome. Every road I'm on leads back to Rome. You wanna hurt me? You wanna feel me? You wanna please me? Love me or hate me, you'll never forget me. Five times real slow, boys. C'est fou dans vos oreilles. Du soir au matin, sans trop savoir jamais, sans suivre un chemin. My friend, well, can you share your day with me? Relive old memories again. Remembering when, my friend, you always know just what to say and when I hurt you, help me pray for better days, my friend. There are certain things in life we just don't choose. It's your elegance and grace that define you. You like to paint the world you see, a portrait brushed with innocence and confidence, my friend. I think we both did turn out fine. We managed to survive mistakes that people make, my friend, my friend. And your loving ashes is sung in a melody. Never be afraid to shine so bright for the world to see. La formation Citizen Folk dans le poste d'écoute avec leur album My Friend. Ça, c'était la pièce My Friend, précédée de Back to Rome et de I Didn't Realize. Citizen Folk, une formation de Montréal. Oui, tout à fait, un groupe de indie rock. Première note tout de suite, leur spectacle du 20 septembre à 21h au Barfly de Montréal. Ils étaient très récemment à Laval et là, ils s'en vont en Ontario les 22 et 26 juillet. Donc, citizenfolk.com, myspace.com/citizenfolk. Les membres sont Vince à la voix et la guitare, Nick à la basse et Victor à la batterie. Très bon à date. Moi, j'ai vraiment aimé ce que j'ai entendu de Citizen Folk. Leur album s'appelle My Friends. On continue avec quelque chose qui, selon les rumeurs, là, selon ce que j'ai entendu dire à travers les branches barbier, de C'est Fou, ben, cette pièce va finir dans le palmarès. Donc, c'est un groupe de metal. C'est quoi ça? Ça a l'air bon, hein? C'est Rebel. Sound and Fury, tout à fait. Voici Schools Out dans le poste d'écoute. Oh, 89.fr. La radio campus de Trois-Rivières. Disappear. Party in the park tonight. And we know how to do it right. Living fast and living free. Underneath the tattoo trees. So let the good times roll. We've got no self-control. It's only just begun. We are the wild ones. Man, running wild with my friends. We break the law and poste, le poste d'écoute. 16 years old and she loves that rock and roll. She's never gonna play the game and she'll never do what she's told. Oh yeah, oh yeah. She doesn't like to be ignored. Oh yeah, oh yeah. And she won't take it anymore. She's on a 12 gauge teenage rock and roll rampage. She's on a 12 gauge teenage rock and roll rampage. She's out of control. Train straight out of this town. Sound and Fury avec leur album éponyme ici dans le poste d'écoute. Ça, c'était la troisième pièce de leur album. Elle s'appelle Can't Get Enough. Juste avant, c'était Teenage Rampage. On a commencé avec School's Out. Donc, Sound and Fury. Allez voir leur site web au soundandfury.com ou encore myspace.com/soundandfuryrocks. Leur pièce School's Out va être sur le palmarès à partir de cette semaine. Donc voilà, c'est en primeur ici dans le poste d'écoute, au moins pour la première fois sur les ondes de C'est Fou. Restez avec nous parce que la deuxième et la troisième heure du poste d'écoute s'en viennent. On va continuer de découvrir les nouveautés musicales tous ensemble pour la première fois. Dans la deuxième heure, on va entendre entre autres Fur Bearing Animals, Man Ray Gunn et la formation Snare House avec leur album Lies on the Prize. Tout ça plus un paquet de plaisir et d'autres découvertes musicales dans vos oreilles à C'est Fou 89.1 FM. Restez avec nous! Bonsoir, c'est la deuxième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure de l'émission, on va entendre la musique de Snare House avec Lies on the Prize et aussi Man Ray Gunn qu'on va découvrir avec Misfortune Telling. Mais on commence la deuxième heure avec une formation qui s'appelle Fur Bearing Animals. Fur Bearing Animals, leur album s'appelle aussi Fur Bearing Animals. Et voici la pièce Ivy RV Shoes dans le poste d'écoute. Oh, 89.1 FM, c'est la radio campus de Trois-Rivières. You know you may not move so fast anymore, but we could all use to slow things down. That ocean no longer laps outside of your door, but my memories still do. And through your eyes the world has changed so many times. It seems like it's getting bigger and smaller every day, but you kept standing tall with your head above it all, despite losing so much along the way. And you kept standing tall with your head above it all, despite losing so much along the way. And you kept standing tall with your head above it all, despite losing so much along the way. That's where that picture came from. Somehow it ended up in my hands. You met a tall, dark, handsome man who looks upon you now and then and thanks you for being just so strong. And the world could spend a day walking in ivory hoof shoes. And the world could spend a day walking in ivory hoof. And you kept standing tall with your head above it all, despite losing so much along the way. And you kept standing tall with your head above it all, despite losing so much along the way. And you kept standing tall with your head above it all, despite losing so much along the way. And you kept standing tall with your head above it all, despite losing so much along the way.

It don't matter why. It don't matter how. And someday, someway, somehow, and someday, someway, somehow, somehow. De Fur Bearing Animals, très très très bon. Leur album est éponyme et ça, ben en fait, on a joué trois pièces. On a commencé avec Ivy RV Shoes, ensuite c'était Space Shuttle Worm Machine et puis on vient d'entendre la pièce Someway, donc Fur Bearing Animals, vraiment très bon. C'est du down tempo funk soul. Ils viennent de Vancouver et puis d'ailleurs ils sont en spectacle un petit peu partout dans le coin de Vancouver. On fait encore en Colombie-Britannique pendant les prochains jours. Leur hippie. Un mini-album de seulement quoi? Seulement 6 pièces, donc dommage. Mais Fur Bearing Animals risque d'être dans mon top 3 de mes albums préférés pour l'émission d'aujourd'hui. Seront-ils poste d'or? C'est ce qu'on saura d'ici la fin de l'émission. Allez voir leur MySpace au myspace.com/furbearinganimals pour tous les liens vers leur site officiel, leur page Facebook, leur canal sur YouTube et puis leur page sur CD Baby, Fur Bearing Animals. On continue avec la formation Man Ray Gunn. Leur nouvel album s'appelle Misfortune Telling. Et tout de suite, voici Jake's Big Top Lament dans le poste d'écoute. À l'antenne du C'est Fou, 89.1 FM. Du C'est Fou, ça. Du C'est Fou. Ben, c'est du C'est Fou, ça. Moi, j'écoute ça sur la radio, là, puis je me dis, c'est du C'est Fou, ça. Hein? Quand c'est bon, tu sais. Ouais. The Big Top, it went up fast. You could hear the human cannon blast. One-armed man would climb the mast, then dive into the water. The fortune teller had a toe, then gently with a finger stroked the lion who was on the rope, tied up to a trailer. Jacob led a cautious life, a curse that cut him like a knife. Now he could somehow gauge the strife of his life or another. An honest job won't get me far, he thought that as he sucked the tar and tended beer behind the bar, towed the line for Papa. He'd read it in a magazine, the circus was for in-betweens, and those of us who never seem to fit in to the picture. Jacob led a cautious life, a curse that cut him like a knife, that he could somehow gauge the circus master say, well, boy, if you wanna stay, you'd better change your manners. 'Cause everyone is on the make, a chance you might learn to take. If your horse is high, I'm sorry, Jake, you lack the skills to work here. Jacob led a cautious life, a curse that cut him like a knife, like he could somehow gauge the strife of his life for another. the navy blue of my tattoo leads into the night. A sliver moon shines down on you, well beyond its beacon light. A ship of fools adrift away, drowning out a perfect day, but no one heeds the sailor's warning. Waves of fear crashing near, but what we'll find once the fog is clear in the break of earth. Assassins of the great port hope clutch slack sails and tangled rope, the mast, the gallows or the cross, are pleased to save good ship Albatross. A ship of fools adrift away, drowning out a perfect day, for no one heeds the sailor's warning. Waves of fear crashing near, what we'll find once the fog is clear in the break of sailor's luck was all used up when you toasted me with water. The compass spins, all bets are in, that leads these lambs to slaughter. A ship of fools adrift away, drowning a perfect day, but no one heeds the sailor's warning. Waves of fear crashing near, but what we'll find once the fog is clear in the break of early morning. Man Ray Gunn avec Navy Blue, précédé de Mattress Wounds et de Jake's Big Top Lament. Ça vient de l'album Misfortune Telling, donc de la formation Man Ray Gunn, une formation de roots alternatif expérimental, sweet like honey but thick like molasses. Doux comme du miel, mais épais comme de la molasse. Ils viennent d'Edmonton en Alberta, et puis leur site web est au myspace.com/ManRayGunn ou encore manraygunn.com. Les membres sont Dennis L, Everett L, Steve L, Silas L et un certain gars qui s'appelle Tom Murray. Donc, tous des gens de la même famille, on dirait, des L. Man Ray Gunn, donc l'album s'appelle Miss Fortune Telling et c'est canadien. On passe à un groupe alternatif anglophone qui s'appelle Snail House. Leur album, c'est Lies on the Prize. Et tout de suite, voici Dollar Signs dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Quelle belle mission au 89 FM. C'est fou, ça! I woke up this morning with dollar signs in my eyes. I get so much done with my eyes on the prize. Everybody knows it can't be good to spend all your money on what you should. razor blades in my ears. Something so familiar, are you reeling in the years? I try to make sense of the voice I heard. A beautiful mosquito or an ugly bird. Burn all your bridges, shake that thing. This is how we overthrow the king. Turn the soil, set free all the horses, and fill the moat with oil. So burn all your bridges, shake that thing. This is how we overthrow the king. Le poste d'écoute. Darkness, you're looking in my eyes, wiping off the knife before the blood has time to dry. Oh, oh, oh, oh. If you blurry at the edges, you're gonna get some bleed, like visiting the animals and hogging all the feed. Oh, oh, oh. I've really lost myself. I think I've really lost myself. So you do it for the money, or you do it for the love. They're gonna dust for fingerprints, they're gonna drag the lake. Oh, oh, oh, oh. Taking what you want and leaving what you don't. Can't look them in the eye until you got them by the throat. Oh, oh, oh, oh. I think I've really lost myself. I've really lost myself. I think I've really lost myself. I think I've really lost myself. Did you call me when I was your fool? to lovers and others' hearts, true and untrue. And what did you think when you first took me home? To hell with the graces, chew the meat from the bone. Go on then, make me your friend. Don't think that you won't be lied to. Hopping the border and playing both sides, jumping the turnstiles and crossing the line. And I tied my own tie. I love all the trouble I'm sleeping beside. So go on then, make me your friend. Don't think that you won't be lied to. Come on, tell everybody you woke up with everything gone. Years at the Salvation Army won't bring it back. Don't leave me stranded. Don't leave me hanging on. Snail House avec la pièce Salvation Army, précédée de Not Superstitious, et puis au début du bloc, c'était Dollar Signs. Donc, leur nouvel album, Lies on the Prize, c'est un groupe de Montréal, Snail House, du pop lounge acoustique, myspace.com/snailhouse ou snailhousemusic.com. Ils sont en spectacle en ce moment en Ontario, mais en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à d'autres endroits comme ça. Le plus récent Le spectacle qu'ils ont fait au Québec, c'était le 6 juillet dernier. Il n'y a pas encore de date pour les prochains jours ni les prochains mois, mais surveillez leur MySpace si ça vous intéresse. Maintenant, on va entendre un groupe de punk qui s'appelle We The Kings. Voici Secret Valentine. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés tous ensemble pour la première fois au 89.fr. For the moment we will come. out the light. When both boy and girl start suddenly shaking inside. Don't waste your time. Speed up your breathing. Just close your eyes. We'll hope it's not for nothing at all. It turns out the lights. When both boy and girl start suddenly shaking inside. Nothing at time. Speed up your breathing. Just in your eyes. We'll hope it's not for nothing at all. Nothing at all. Le poste d'écoute. Change our luck. This night is all that we've got. Drive fast until we crash this dead end life. Sweet dreams that won't come true. I leave it all for you. Brick walls are closing and let's make a run tonight. Forever won't let you go. Cause if you jump, I will jump too. We will fall together from the building's ledge. Never looking back at what we've done. We'll say it was love. Cause I would die for you on Skyway Avenue. She said, don't change your mind. Leave this town behind. We'll race right off the cliff. They will remember this. It all got so mundane. With you I'm back again. Just take me by the hand. We're close to the edge. Blinded by the lights. Hold you through forever. Won't falling apart if you give them the chance. Don't sell your heart, don't say we're not meant to be. Run, baby, run. Forever will be. Run, baby, run. Don't ever look back. They'll tear us apart if you give them the chance. Don't sell your heart, don't say we're not meant to be. Run, baby, run. Forever will be. Le nouvel album éponyme de la formation We The Kings, ça c'était la pièce Check Yes Juliet, c'était précédé de Skyway Avenue et de Secret Valentine ici dans le poste d'écoute. We The Kings, un groupe de Bradenton en Floride aux États-Unis, vont être au Vans Warped Tour à Montréal le 20 juillet à partir de 11h. myspace.com/WeTheKings, c'est leur site web officiel, ils n'ont pas d'autres adresses que ça. Travis Clark, Hunter Thompson, Drew Thompson et Danny Duncan sont les membres du groupe, donc We The Kings, et leur album s'appelle aussi We The Kings. On continue avec un artiste canadien qui s'appelle Sébastien Gringer, Gringer, I-N, la Gringer, c'est peut-être Sébastien Gringer, hein? Son album s'appelle American Name, c'est un maxi de seulement 4 pièces. On va écouter les 3 premières, mais avant ça, je vous dis là, son site web, sébastiengringer.com, GRINGER.net, pour le retenir, le point net. Allez voir lunechance.com pour tous les liens d'émission, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et le voici avec la pièce American Names dans le poste d'écoute. L'émission qui découvre les nouveautés pour la toute première fois en même temps que vous. On ne sait pas ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient? Du Alk Blood Gak. J'ai aucune idée comment lire ça avec un B. Alk Blood. Poste d'écoute 89 FM. Radio Campus de Trois-Rivières. Dans vos oreilles. C'est fou ça. Mais non, tu la gagnes. Why do all the highways lead to where you don't? poste d'écoute. Will shame drive you home? Will fame make you whole? I don't know, I don't know. Is there love? Will you go? Are there ways to come home? La musique de Sébastien Granger, Sebastian Granger. L'album s'appelle American Name. C'est un maxi de 4 pièces. Ça, c'est la pièce Map of the World. C'était précédé de Ways to Come Home et de la première pièce American Name. Son site web est au sebastiangranger.net. Sébastien E-N et puis Granger, G-R-I-N-G-E-R.net. Donc, c'est du Healing and Easy Listening, selon lui-même. Et il vient du Canada, mais il dit pas où exactement. Sur son MySpace, au myspace.com/SébastienGranger. Il va être en spectacle le 3 août prochain à 22h au Festival Oceaga. Ça, c'est à Montréal. Ensuite, il va être en Ontario plus tard en août. Sébastien Granger and the Mountains, hein, qui n'est pas vraiment un band, c'est plutôt l'idée de band. Ici, dans sa biographie, que vous pouvez lire aussi sur son MySpace. Dans la troisième et dernière heure du poste d'écoute, on va entendre des formations, des artistes tels que Ronin Eville avec Big Dirty Hi-Fi, c'est de l'électronique. Il va aussi y avoir Tagak, Hawk Blood, Ron Sexsmith avec Exit Strategy of the Soul et puis Matthew Ryan Woods avec son album Edgewise. Mais nous, c'est déjà l'heure de se quitter pour la fin de la deuxième heure. On va aller en pause et puis revenir ensuite avec plein de bonne musique et de variété musicale dans le poste d'écoute. Restez avec nous au 89.fm. Troisième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette troisième heure du poste d'écoute, on va entendre des artistes tels que Matthew Ryan Wood, Ron Sexsmith et Hawk Blood Tagak. On commence avec Ronin Eville, un artiste assez connu dans le domaine de l'électronique. Son nouvel album s'appelle Big Dirty Hi-Fi. Et tout de suite, voici Barbie Beats, précédé de Dubbers Rock dans le poste d'écoute. Oh, 89 FM, mais ça, c'est la radio campus de Trois-Rivières, la seule radio à diffuser de la musique différente, originale, telle que de l'électronique de Ronanville. Jamais vous allez entendre ça ailleurs. Jamais. We'll be right back. René Eville, Ronin Eville, avec son album Big Dirty Hi-Fi, la pièce Big Dirty Hi-Fi Feels So Good, précédée de Barbie Beats et de Dubbers Rock. Donc, Ronin Eville est un artiste d'Electronica House Trip Hop. Son nouvel album est disponible maintenant. Il vient de Toronto, en Ontario. myspace.com/RoninEville, Ronin R-O-N-I-N, E puis Ville, ou encore RoninEville.com. En fait, le seul et unique membre, c'est Colin McGuire, producteur, DJ et ingénieur musical. Très bon, moi j'aime beaucoup ça. Vous savez, j'aime quand même l'électronique. C'est de la très bonne musique. RoninEville avec Big Dirty Hi-Fi. On continue avec de la musique canadienne cette fois-ci. L'artiste est Matthew Ryan Woods. Son album s'appelle Edgewise. On va écouter trois pièces. Running on Empty, précédé de Don't Be Alarmed. Mais on commence avec Retainer tout de suite dans le poste d'écoute à C'est Fou 89 FM. www.cfou.ca pour écouter en direct sur Internet. Don't be waiting, 'cause I won't for long. Don't be surprised, dog. If when you get here I'm gone, I'll be taking numbers just to stand in some line. And there'll be no bid in my farewell of mine, 'cause there's no price for peace of mind. I wouldn't bother trying to flatten your plan. If I don't take your call, I just might be tied up. I'm not home at all, I won't be taking numbers unless I'm out on the town. And there'll be no notice when I stop moving round, no. So I'd suggest stop messing around. que j'étais à R depuis 10 ans. 89.1 FM. Matthew Ryan Woods avec son nouvel album Edgewise et la pièce Running on Empty précédée de Don't Be Alarmed et de Retainer ici dans le poste d'écoute. Matthew Ryan Woods, un artiste qui se dit rock d'Alberta au Canada. myspace.com/MatthewRyanWoods. Donc les membres du groupe sont lui-même, Matthew à la voix et aux harmonies, guitare, batterie et percussion, ainsi que Wes Austin à la basse et Chloe Albert aux harmonies. Donc si ça vous intéresse, allez voir myspace.com/MatthewRyanWoods. C'est très bon et puis le lien est sur le www.unechance.com. Si jamais vous oubliez un des liens pendant l'émission, c'est toujours disponible en tout temps au unechance.com. Il y a aussi là-dessus la balado-diffusion de chaque émission qui est disponible à chaque semaine. On continue avec un autre artiste canadien. Celui-là s'appelle Ron Sexsmith. Son album, c'est Exit Strategy of the Soul. À l'instant même, voici la pièce instrumentale Spiritude qui ouvre l'album, mais ce sera suivi de la pièce This Is How I Know. Et on découvre les nouveautés pendant encore 35 minutes ici dans le poste d'écoute. Alors amusez-vous, hein? Ouvrez les oreilles, imprégnez-vous de cette nouvelle musique. sent the message to the great unknown through the music on the radio. Came to set me free. This is how. Retour plus de Ron Sexsmith et on découvre Tagak dans le poste d'écoute. Truth be told, we're leaving Ron Sexsmith dans le poste d'écoute. Son nouvel album s'appelle Exit Strategy of the Soul. Ça, c'était la pièce One Last Round, précédée de This Is How I Know et de Spiritude, la pièce instrumentale qui ouvre l'album. RonSexsmith.com, c'est son site web, RonSexsmith.com. Où est-ce qu'il a un MySpace Sexsmith? Quand même difficile à appeler, Sexsmith. Enfin bon. Ah oui, il vient de Toronto en Ontario, il fait du folk rock, il est en spectacle en Ontario et en Alberta en ce moment. Il est sur Warner Canada. Voilà, c'est toutes les infos que j'ai sur Ron Sexsmith. Allez voir myspace.com. Ron Sexsmith. On n'est pas ici pour les infos, on est ici pour découvrir de la nouvelle musique. Voilà. On continue avec une autre artiste canadienne, elle s'appelle Tagaq, son nom Tania Gillis, et puis son surnom Tagaq, elle vient du Nunavut au Canada. On va tout de suite l'entendre avec la pièce Fox Turiganiak, suivie de Fire et Kuma dans le poste d'écoute. On découvre plein de choses qui viennent de partout dans le monde. Partout dans le monde. Aujourd'hui, Trois-Rivières, demain, le monde. Down. Peter Ikuma, précédé de Fox Terry Ganiak, de Tagak, dans le poste d'écoute. L'album s'appelle Hawk Blood, très planant, très spécial, très très différent, très C'est Fou, je dirais même. Mon collègue Danny Janvier de C'est Fou a adoré ça, trouve ça très planant aussi. On va certainement se procurer cet album de Tagak, produit par Juan Hernandez. Tania Gillis, c'est son vrai nom, elle vient de Cambridge Bay, au Nunavut, au Canada. Elle est en spectacle en ce moment un petit peu partout au Canada. Allez voir son site web taniatagak.com, TANYATAGAQ.com, ou passez par lunechance.com. C'est toujours un petit peu plus facile de retenir l'adresse lunechance.com. C'est l'adresse du site où vous pouvez cliquer sur tous les liens de tous les artistes et puis télécharger la balado-diffusion si ça vous intéresse. Donc, je rappelle, Tagak, TAGAQ, avec l'album Hawk Blood. Mm-hmm. When I met you, baby, Off du album Sea of Bitterness de la formation Kick in the Eye, c'était précédé de Red Army Overdrive et de Worstful Life. Très très bon. L'album, petite musique pop comme ça, j'aime ça. Kick in the Eye, un groupe d'alternatifs indie power pop de Vancouver en Colombie-Britannique. Kick in the Eye Music.com ou MySpace.com. Kick in the Eye Music. Marion Lockery, Donnie Lockery. Et puis des poètes guerriers, en tout cas des affaires comme ça, c'est ce qui est écrit sur leur MySpace. Que voulez-vous, les gens écrivent des drôles de choses sur leur MySpace. C'est déjà la fin de l'émission d'aujourd'hui. On va se quitter avec une dernière pièce de notre poste d'or cette semaine. Mais avant de dire le poste d'or, quand même, disons, qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui? J'ai aimé The Subways avec All or Nothing, Citizen Folk avec My Friend. J'ai aimé Runnin' Evil. Uh-huh. Et puis Kick in the Eye, évidemment, qui vient de terminer l'émission. Mais le poste d'or cette semaine, je le décerne à Fur Bearing Animals, leur album éponyme. C'était très, très fun, que j'ai bien aimé. On va les entendre avec une quatrième pièce de leur album. Elle s'appelle How Could I? Et puis, on va se quitter avec ça. Donc, allez voir le www.unechance.com pour tous les liens d'émission d'aujourd'hui et pour télécharger la balado-diffusion, www.unechance.com. Moi, je vous retrouve dans La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo les mardis à 11h et dans les Palmarès et Fous les vendredis soirs à 17h. De la part de toute l'équipe fictive du poste d'écoute, merci beaucoup d'avoir écouté. Toujours fidèle avec nous, donc très heureux de vous avoir. À la semaine prochaine. Faites attention à vos genoux. Bonne semaine et bonne chance! So fast anymore, but we could all use to slow things down. That ocean no longer laps outside of your door, but my memories still do. And through your eyes the world has changed so many times. It seems like it's getting bigger and smaller every day, but you kept standing tall with your head above it all, despite losing so much along the way. And you kept standing tall with your head above it all, despite losing so much along the way. And you kept standing tall with your head above it all, despite losing so much along the way. That's where that picture came from. Somehow it ended up in my hands. You met a tall, dark, handsome man who looks upon you now and then and thanks you for being just so strong. And the world could spend a day walking in ivory hover shoes.